boire un cigare, s'il vous plaît. Watchmaker, c'est comment? L'eau, ça c'est pas que je doute, mais je compte et je recompte l'heure. Regarde, j'en ai rien à foutre, ouais, je tombe et je remonte. Billet jaune, vert, violet, je vois la vie en rose. Parfois j'y pense, parfois je fuck la remise en cause. L'eau, ça c'est pas que je doute, l'eau, ça c'est pas que je doute. L'eau, ça c'est pas que je doute, l'eau, ça c'est pas que je doute. Je compte et je recompte. Dis-moi au bout combien de bifs on peut dire que c'est une liasse. Dis-moi au bout combien de bits on peut dire que c'est une tasse. J'sors de la nessée, j'compte mon cachet. Tu sors le yébi, j'ti sors le sachet. Le swag est princier, j'fais que les flasher. T'as pas de carpé, ça peut pas matcher. Sur le terrain c'est l'anarchie, on serre la boîte à des archers. L'eau ça puis-je avoir un garci, j'ai dû courir avant de marcher. Peau claire mais l'esprit est foncé, comme esprit noir ou Omar Sy. J'crois bien que ce négro m'a feinté, ses messageries depuis mardi. Hey. J'pense au montant de mes pertes, y'a une connasse qui crie dans ma tête. Je l'ai annoncé sur Insta, j'sais même pas si la mixtape sera prête. Y'a ton ADN sur le bout de ma TN. Ça c'est le bruit du KTM, c'est ma crack, c'est le 4ème. L'eau ça c'est pas que je doute, mais je compte et je recompte l'heure. Regarde, j'en ai rien à foutre, ouais, je tombe et je remonte. Billet jaune, vert, violet, je vois la vie en rose. Parfois j'y pense, parfois je fuck la remise en cause. L'eau ça c'est pas que je doute, l'eau ça c'est pas que je doute. L'eau ça c'est pas que je doute, l'eau ça c'est pas que je doute. Je compte et je recompte. Yeah, elle m'a pris pour un con quand j'avais pas de thune. Mais depuis que je rencontre, madame veut que ma queue. J'aime trop la chatte pour en toucher que une. Malheureusement son rêve c'était qu'on vive à deux. La vie que je mène est bonne à fond, pas besoin de mentir pour lui mettre dans la gorge. L'ego trip c'est du sexe sans amour, excitant comme une fellation dans un Porsche. 91-45, mauvaise connexion dans l'estrimada. Vu que la gueule trop c'est renta, grenier par côté passe pour la remonta. Des allers-retours dans le télo, ça débite comme le rinté près de la gare. Token des libosso pour les bongos, livraison tard la nuit jusqu'à Paname. CER, on fout les CRS. Quand j'abonne à refourguer, le bâtiment c'était la bonne adresse. Ça sème qui tombe au début d'année, l'argent des sous qui est jeté sous ses fesses. J'entends dire que je suis plus le même et les temps ont changé depuis que j'encaisse. L'eau ça c'est pas que je doute, mais je compte et je recompte l'heure. Regarde, j'en ai rien à foutre, ouais, je tombe et je remonte. Billet jaune, vert, violet, je vois la vie en rose. Parfois j'y pense, parfois je fuck la remise en cause. L'eau ça c'est pas que je doute, l'eau ça c'est pas que je doute. L'eau ça c'est pas que je doute, l'eau ça c'est pas que je doute. Je compte et je recompte. Je compte et je recompte.